peu détendu. Dispose de la télé, le regard dans le vide. Tu repenses à ta vie, plus étendu que jamais. Dans ta tête est doublée, la pluie va pas nous payer. À coup d'un fini classe, c'est comme ça qu'il se repasse. Une balle entre les yeux, pour pas devenir vieux. À coup d'un fini classe, c'est comme ça qu'il se repasse. Une balle entre les yeux, il va narguer les yeux. Un instant près des pétales, le pourrir se trompe. La piété d'hystérique, tu gueules un plein poumon. C'est ça mon par le prix, la fête bientôt finie. Plus que quelques secondes, la pluie quitte ce monde. À coup d'un finit tard, tu comme ça qui te repasse. Tu balances les pieds, pour pas devenir vieux. À coup d'un finit tard, tu comme ça qui te repasse. Tu balances les pieds, il a nagué les pieds. Mes oreilles bourdonnent, tu as qu'à plus d'un froid. Ton téléphone sonne, mais tu ne l'entends pas. Comme dernière volonté, un morceau de verrue. Plus fort que jamais, nous prenons le coup de feu. À coup de finissasse, c'est comme ça que tu t'adresses. Tu balances dans les yeux, pour pas devenir vieux. À coup de finissasse, c'est comme ça que tu t'adresses. Tu balances dans les yeux, tu vas marquer les yeux. Tu vas marquer les yeux.